bien portant, tu es bien content. Un jour tu es mal, c'est général, c'est l'hôpital. Un jour tu es riche, tu es souriant, t'as plein d'argent. Demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Faut comprendre, comprendre la vie. Car un jour tu as la chance, tu peux gagner le tiercé. Y'a même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. Mais demain fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, il faut comprendre, comprendre. philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Un jour tu as la chance, tu peux gagner, gagner le tiercé. De même papa, rien n'est là, t'as tout perdu. T'as une belle femme, t'as une bagnole, t'as des amis. De même fauché, il faut demander la charité. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie. Thank you.

Central, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Tchad, Bigoloya, Africa. Le 3 décembre 75, Bigoloya, UDA, Yekope, Samotama, Galabé, DEAC. Banque de développement des États de l'Afrique centrale, n'a beaucoup CVD DEAC, beaucoup la cabre Africa. Banque de développement des États de l'Afrique centrale, n'a beaucoup CVD DEAC, beaucoup la cabre Africa. La VDEAC tombe là, beaucoup la taille qui colonise l'Afrique centrale. La BDS est tombé là, beaucoup la caille qui colle à Bissoya, Afrique centrale. La BDS est tombé là, beaucoup la caille qui colle à Bissoya, Afrique centrale. La BDS tombe là, beaucoup la caille à Bicola, Bissoya, Afrique centrale. La BDS tombe là, beaucoup la caille à Bicola, Bissoya, Afrique centrale. Thank you. l'Afrique centrale. Matissa économie, y a du Colabisoya Afrique centrale. Matissa développement, y a du Colabisoya Afrique centrale. Intégration économie, y a du Colabisoya Afrique centrale. Projet national et régional, y a du Colabisoya Afrique centrale. Oyokani qui a solo, y a du Colabisoya Afrique centrale. Matissa économie, y a du Colabisoya.